Chala, 12 France, ma 12 France, indila, dernière danse et chala, c'est de la chanson pop, de la variété française, avec un brin de franche touche, elle joue des mots et des mélodies. En soirée, en voiture, à la maison, chala nous ambiance avec sa pop urbaine portée par une voix intense au timbre si spécial.